tuer, allez voir la tue Jean-Paul Ski. Je ne peux pas le tuer. I'm gonna ask you, don't you? Shake me 'cause I'm.